Voici votre bulletin régional. Le groupe Mac Trio est en spectacle le 13 août dans le cadre des concerts de la gare à Hastings. C'est gratuit. C'est le 14 août que se termine le service d'animation estivale et les cours de natation à Hastings. Toujours à Hastings, les 14 et 15 août, ont lieu les inscriptions du club de patinage artistique et du hockey mineur à l'aréna Robert Fournier. Le vendredi 14, ils se tiennent de 18 à 21h et le samedi 15, de 9h à midi. Vente de blé d'Inde et de hot dog sur place au profit des deux associations. Le 15 août de 11 à 14h, événement skate au parc Nicole de Hastings. Il y aura vente de hot dog sur place. Détails à 819-560-8600 poste 2405 ou auprès de Nicolas Galipeau au 819-943-3841.